beauté ignore qui tu es. Mais la vie te connaît. Et la mort t'attend. Cherche-la dans le miroir. Tu la verras toute seule. Offre-lui un baiser de cendre. Raconte-lui des histoires. Respire la fleur de ta peau. Le cuir de tes cheveux. Enivre-toi de parfum. Et maintenant, traverse la rue. On t'a dit que tu étais belle. Tu l'as cru un instant. Et cette parenthèse t'obsède. Le désir te rattrape. Les ans succèdent aux ans. La peur te ronge les yeux. Pour qui tourne donc la terre? Qui est venu accompagner l'autre? Cette empreinte sur le sable. C'est une illusion qui va et vient comme un prisonnier dans l'eau. Tu es cet enfant que tu portes. Cet enfant qui lève la tête et brandit le poing. Celui qui vise la lune et crache sur les cieux. Celui qui crie et cherche un ventre. Celui qui s'efface sur un tableau, comme la poudre sous le vent. Celui qui s'écrase contre les murs, comme le sexe sous la bille. Tu peux hurler et hurler. Personne ne t'entend. Nul n'entend l'autre. Personne ne sait que tu es là. Ici ou ailleurs, aucune étoile ne distingue tes larmes. Tu auras beau osciller, tu n'y échapperas pas. Tu es dans ce monde. La vie te connaît jusqu'à la racine du temps. Ne lui pose pas de questions. Raconte-lui une histoire. Demande-lui un miracle. Demande-lui donc un miracle. Tu obtiendras peut-être l'impossible. Une caresse sur le tableau. Une caresse. Puis